Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et alors que nous venons d'entendre, de voir avec Moustapha que la myopie augmente dans nos sociétés, donc dans un certain sens, la société moderne s'accompagne d'une perte de notre acuité visuelle, et bien pourtant, en même temps, notre société tend vers une amélioration du corps. On veut des dents blanches bien alignées, on refuse les rides et les cheveux blancs de la vieillesse. Alors Nicolas Ledévédec, docteur en sociologie et sciences politiques, est chargé de cours en sociologie à l'Université de Montréal et il vient d'écrire un livre intitulé « La société de l'amélioration » qui est paru récemment aux éditions Liber. Et il est avec nous pour nous parler de cette société de l'amélioration. Bonjour Monsieur Ledévédec. Bonjour. Alors pour bien savoir de quoi on parle en fait, dites-nous en quoi consiste cette société de l'amélioration. Je l'ai esquissé un petit peu comme quoi on refusait certains signes de la vieillesse, mais il y a certainement d'autres indices de cette société de l'amélioration qu'on peut déjà constater. Alors oui, tout à fait. Bah, d'une manière générale, je dirais que la société de l'amélioration telle que je la désigne dans l'ouvrage, ça renvoie finalement à cette aspiration de plus en plus forte finalement dans nos sociétés actuelles. Améliorer l'être humain et ses performances par la médecine, par les nouvelles technologies. Alors, il y a plusieurs exemples concrets, ça renvoie aussi bien finalement au dopage sportif, chirurgie esthétique, mais également la consommation de psychotropes pour améliorer les capacités cognitives, pour améliorer l'attention. On pourra également parler finalement du contrôle biomédical de la procréation ou encore de la médecine anti-âge, pour justement lutter contre les effets du vieillissement. Donc c'est un peu tout ça, cette quête de performance que je qualifie avec l'expression de société de l'amélioration. D'accord, donc une quête de performance, et probablement que cette quête de performance n'est pas entièrement nouvelle, probablement qu'elle émane d'assez loin dans le temps. Et d'ailleurs, c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous la faites remonter depuis les Grecs jusqu'au siècle des Lumières, avec Rousseau en particulier, ensuite ça se continue. De quelle amélioration parlait Rousseau, lui? Alors Rousseau, il était plus justement, c'est à mon sens un des grands enseignements finalement, c'est que si on retrouve la quête technique déjà dans la modernité, en même temps, dans l'humanisme des Lumières, il y avait une autre dimension qui était sociale et politique. Et c'est cette dimension-là que Rousseau évoque dans ses écrits, c'est l'idée que pour améliorer l'être humain, c'est pas seulement une question technique, c'est une question vraiment politique qui renvoie à l'amélioration de nos conditions de vie sociale. Donc c'est un combat essentiel qui finalement qui sous-tend tout l'esprit de la démocratie et de l'éducation. Donc vraiment ce volet social et politique, améliorer nos conditions de vie sociale, c'était essentiel dans l'humanisme des Lumières. Puis suite à cet humanisme énoncé par Rousseau et les autres philosophes des Lumières, est arrivée la Révolution française quand même, où on aspirait idéalement aussi à de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Et puis il y a eu la période de la Terreur, puis là ça a été un peu chaotique et ça a ôté un petit peu certaines illusions d'une amélioration de la société par des voies un peu pacifiques. Puis en même temps, il y avait la Révolution industrielle qui se mettait en marche, des nouvelles connaissances scientifiques. Donc vous racontez tout ça dans le livre. Et puis là, on s'est tourné vers la science pour améliorer la société. Et puis, donc en particulier, il y a eu le développement des connaissances en matière d'évolution avec Darwin, et qui a été repris par d'autres penseurs pour développer le darwinisme social. Donc ça, comment est-ce que tout ce courant de pensée s'est intégré vers la quête de l'amélioration de l'homme amélioré? C'est vrai qu'après, au 19e siècle, c'est vraiment c'est la sacralisation de la science et de la technique, le culte de l'industrie, notamment au siècle le capitalisme industriel qui se met en place. Et c'est vrai qu'on tend de plus en plus à concevoir l'être humain, mais la population, comme un tout biologique qu'on peut améliorer par la science, par la technique. Donc c'est de ce point de vue-là que naît justement ce qu'on appelle l'eugénisme. Donc c'est-à-dire la volonté d'améliorer l'espèce humaine en agissant sur la procréation, donc en sélectionnant les individus qu'on juge les meilleurs et en écartant ceux qu'on juge les plus néfastes. Et donc ici, vraiment, l'amélioration devient un projet donc technique, scientifique, mais vraiment biologique. Donc c'est vraiment une dérive, pour moi, scientiste, qui alimentera vraiment l'idéologie du régime nazi, où finalement l'eugénisme a conduit à l'extermination de masse. Oui. Puis d'ailleurs, on peut vous dites aussi dans votre livre que bon, il y a eu le nazisme qui a été un peu une exacerbation de l'eugénisme, mais il y avait déjà il n'était pas le seul. Il y avait déjà en Europe et aux États-Unis d'autres pays qui avaient commencé à instaurer certaines politiques eugénisme. Alors exactement, oui. Mais aux États-Unis, les pays nordiques, en Europe, il y a tout un ensemble de mesures, de législations qui ont été prises en matière d'eugénisme, notamment pour stériliser tout un ensemble de populations qu'on jugeait justement néfaste en fait pour la population en général. Mmh. Donc et lorsque bon le nazisme est arrivé là, on s'est aperçu que ça allait vraiment pas, que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc ça a créé comme une rupture. C'est un peu curieux parce que on aurait pu se détourner de la science pour poursuivre notre quête de l'homme amélioré, mais pas du tout. On n'a pas tourné le dos à la science, mais on s'est juste tourné vers une autre discipline scientifique qui arrivait là, et là c'est la cybernétique qui est arrivée. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, finalement, c'est comme si les leçons n'avaient pas été tirées, comme si on n'avait pas saisi justement la dimension rationaliste problématique qui était au 19e siècle. Mm-hmm. Et là, on se tourne notamment vers la cybernétique, avec cette idée, la cybernétique, c'est vraiment la science, la pensée machine. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on on se tourne vers un modèle encore plus rationaliste, en pensant que la machine, finalement, sera le nouvel idéal désormais. Mm-hmm. Mais donc, l'amélioration de l'être humain. On se dit que c'est en le transformant techniquement, en transformant son corps sur le modèle de la machine, qu'on arrivera à une véritable amélioration. Oui, alors quel type d'amélioration peut nous apporter la cybernétique et toutes les machines qui arrivent derrière? Finalement, ce qui est pensé, c'est les débuts de la prothétique, de la robotique, et c'est ce qui donnera aussi après, plus tard, notamment la biologie, le génie génétique. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est toute cette idée qu'on apprend le corps humain, la vie, selon un programme, comme le programme informatique finalement qu'on peut customiser, améliorer. Mm-hmm. Donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on s'est situé avec la cybernétique, et ça va nourrir vraiment l'imaginaire actuel de l'amélioration humaine. Oui, puis là donc en fait c'est pas seulement de la science-fiction, et donc les penseurs actuels qui réfléchissent à ces questions-là parlent de transhumanisme, qui serait comme une transition pour aller vers les post-humains. Alors tout à fait, ça c'est vraiment, on est dans l'idéologie la contemporaine de la société de l'amélioration. Le transhumanisme, c'est un mouvement culturel qui regroupe des ingénieurs, des scientifiques, mm-hmm. un ensemble de penseurs également philosophes, mm-hmm. qui militent pour finalement accéder à un nouveau stade de notre évolution grâce aux avancées techniques et biomédicales. Mm-hmm. Donc pour eux, il s'agit finalement de faire naître une sorte de surhomme technologique plus beau, plus fort, plus intelligent, plus performant, capable de vivre plus longtemps finalement grâce à la science et à la technique. Et ce ne sont pas des chercheurs marginaux, ce sont vraiment des chercheurs qui bénéficient de soutien académique, qui ont des positions institutionnelles quand même assez importantes. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas post-humain peut faire penser à la science-fiction, mais en réalité c'est des gens qui sont déjà en poste et qui ont donc une influence sur des décisions de recherche ou des décisions politiques qui sont déjà tournées, orientées vers ce post-humanisme. Oui, tout à fait. Et puis bon, il y a vraiment l'aspiration, je dirais, derrière les idéaux du transhumanisme, il y a toutes ces pratiques qu'on citait au début, notamment la chirurgie esthétique, le dopage sportif. Donc c'est vraiment, ça nous renvoie à une aspiration qui est socialement beaucoup plus large que le transhumanisme, qui est déjà présente. Mm-hmm. Mais ce faisant, avec le transhumanisme, donc c'est l'évolution vers le post-humain, est-ce qu'on n'est pas en train de se tourner d'un autre côté vers une amélioration de l'homme en tant qu'individu, ou est-ce qu'on reste encore plus dans le concept de Rousseau d'une amélioration de la société? Alors non, justement, c'est ça. Mon avis aussi, un des gros problèmes, c'est qu'on est dans une conception avec le transhumanisme exclusivement individuel et technoscientifique de l'amélioration humaine. Mm-hmm. Et donc on occulte justement tout le volet social et politique. On oublie finalement aussi toute cette leçon de l'humanisme des Lumières qui était de dire que une véritable amélioration de la condition humaine, ça passe avant tout par l'amélioration de nos conditions de vie sociale. Mm-hmm. Et c'est à mon sens ça qui est occulté justement à travers le transhumanisme, et on peut imaginer plusieurs retombées justement de leur modèle aujourd'hui. Mm-hmm. D'accord, mais à ce moment-là, est-ce que les penseurs, je ne sais pas comment on les appelle, ces gens qui pensent, qui réfléchissent à ces questions du transhumanisme, est-ce que eux-mêmes ont inclus cette réflexion de l'amélioration de la société ou est-ce qu'ils l'éludent volontairement? Est-ce Alors, qu'on... bah, il l'inclut d'une certaine manière, mais pour eux, finalement, c'est cette idée qu'en améliorant chacun individuellement nos capacités, on arrivera à une société justement plus épanouie. C'est vraiment cette idée que la somme des bonheurs individuels technoscientifiques créera une sorte de bonheur collectif. Donc il y a vraiment cette idée-là, et donc il le pense, je pense, avec les meilleures intentions du monde, D'accord. pas forcément cynique. Donc il y a vraiment cette idée-là à la base du transhumanisme. Sauf que oui, peut-être que donc la somme de tous les postes humains, ça peut faire une société à améliorer, mais on peut se demander si tout le monde aura accès à cette post-humanité. Alors bah oui, effectivement, moi je pense que c'est justement d'un point de vue sociologique qui est le mien, je pense qu'il y a une certaine naïveté dans le transhumanisme. Il y a un gros problème, puisque effectivement, on le voit bien, déjà aujourd'hui, une majeure partie de la population n'a pas accès à des soins de santé de base. Donc il y a aussi, on peut fortement imaginer que pour des technologies d'amélioration, seule une élite, une forme de super élite, aurait accès à ces nouvelles technologies pour s'améliorer et une grande partie de la population ne pourrait pas en jouir. Oui, puis là, Mais ça, oui. finalement, sans aller jusqu'à des scénarios même de science-fiction, il y a quand même, c'est ça, il y a vraiment déjà des problèmes posés par ce modèle de l'amélioration humaine tel que pensé par les transhumanistes, notamment, je dirais, en termes de stigmatisation de la vieillesse, du vieillissement. La vieillesse est toujours appréhendée comme une forme de maladie dans le transhumanisme. Pareil, une stigmatisation, je pense, également du handicap, des personnes handicapées, à travers leur culte biotechnologique de la perfection. Donc bref, il y a tout un ensemble de conséquences sociales et politiques, à mon sens, néfastes, qui sont peu discutées. Et donc il y a vraiment cet oubli de la dimension sociale des Lumières, qu'il s'agirait, à mon sens, de revaloriser fortement aujourd'hui. Oui, puis c'est un peu curieux aussi parce qu'on se demande si à travers ce post-humanisme et cette quête de la perfection, de l'humain parfait, à tous vouloir, par exemple, refuser bon, les signes de la vieillesse ou tel signe de Oui. perfection, est-ce qu'on va pas tous se ressembler? Et est-ce que Oui. finalement, ça n'exclut pas une certaine liberté individuelle aussi? Alors tout à fait, ouais, je pense effectivement, c'est un des effets pervers aussi, c'est que finalement, derrière ce qui est présenté comme une quête de liberté ou de créativité individuelle, finalement, c'est une forme, je dirais, de vitrine aussi d'un humain parfait, complètement homogène, qui est vendu à Ouais, c'est ce qu'on. l'image, non, d'un modèle aussi, du modèle capitaliste, en fait, d'un être humain toujours plus performant. Ouais, puis on peut le constater peut-être, bon, avec le fait que tout le monde aujourd'hui doit avoir les dents bien alignées, Tout à un fait. nez bien droit, donc c'est juste les prémices finalement. Exactement, il y a une forte pression déjà sociale, donc on peut vraiment discuter du consentement et d'une liberté. Oui. Alors, c'est toute une réflexion fascinante que vous nous offrez finalement, Monsieur le Devecdec, à travers votre livre, dont je rappelle le titre d'ailleurs, donc La Société de l'amélioration. C'est un livre paru aux éditions Libert tout récemment. Alors, je vous remercie beaucoup pour nous avoir introduit à cette réflexion et peut-être Merci à vous. Merci beaucoup. nous conduire nous-mêmes à y réfléchir d'ailleurs. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que Nicolas Ledévédec est docteur en sociologie et en sciences politiques et chargé de cours au département de sociologie à l'Université de Montréal.